Qu'est-ce que l'aura émotionnelle dans la spiritualité et quelles sont les différentes couches qui la composent? 1. Introduction à l'aura émotionnelle dans la spiritualité. L'aura émotionnelle est un aspect fascinant et intégral de la spiritualité qui passe souvent inaperçu ou négligé. Dans le domaine de la spiritualité, l'aura émotionnelle fait référence au champ énergétique entourant un individu qui est influencé par ses émotions, ses sentiments et ses expériences. Comprendre et explorer l'aura émotionnelle peut nous fournir des informations précieuses sur notre bien-être spirituel, notre croissance personnelle et notre connexion avec le divin. Cet article approfondit le concept de l'aura émotionnelle dans la spiritualité, mettant en lumière sa signification, ses couches et son impact profond sur notre voyage spirituel. En démêlant les différentes couches qui composent l'aura émotionnelle, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et améliorer nos pratiques spirituelles. Définir l'aura émotionnelle. Dans le monde de la spiritualité, nous plongeons souvent dans les profondeurs de notre être, cherchant une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Un aspect de cette exploration est l'aura émotionnelle, qui joue un rôle important dans nos expériences spirituelles. Mais qu'est-ce que l'aura émotionnelle exactement? Considérez-le comme le champ énergétique qui nous entoure et émane de nous, reflétant notre état émotionnel et influençant notre bien-être spirituel. Tout comme nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps énergétique, et l'aura émotionnelle en fait partie. C'est comme une empreinte émotionnelle invisible qui rayonne de notre monde intérieur vers le monde extérieur. Importance d'explorer l'aura émotionnelle dans les pratiques spirituelles. Comprendre l'aura émotionnelle est la clé pour libérer notre potentiel spirituel. Cela nous permet de mieux comprendre le lien complexe entre nos émotions et notre croissance spirituelle. En explorant et en exploitant le pouvoir de l'aura émotionnelle, nous pouvons naviguer dans notre voyage spirituel avec plus de clarté et d'alignement. Explorer l'aura émotionnelle dans nos pratiques spirituelles nous aide à prendre conscience de nos schémas émotionnels, facilitant ainsi la guérison et la transformation. Cela nous permet également de développer une résilience émotionnelle, nous permettant ainsi de relever les défis de la vie avec grâce et compassion. Alors, approfondissons le concept d'aura et découvrons sa signification pour notre bien-être spirituel. 2. Comprendre le concept d'aura et sa signification. Définition et explication de l'aura. Avant de nous plonger dans l'aura émotionnelle, comprenons d'abord ce qu'est une aura. En termes simples, une aura est un champ d'énergie qui entoure chaque être vivant, y compris les humains, les animaux et les plantes. C'est comme une lueur subtile ou un halo qui s'étend au-delà du corps physique. L'aura est constituée de différentes couches, chacune correspondant à un aspect différent de notre être. Ces couches s'interconnectent et interagissent les unes avec les autres, formant un réseau complexe d'énergie qui influence notre bien-être général. L'aura n'est pas seulement influencée par nos émotions mais aussi par nos pensées, nos intentions et l'environnement dans lequel nous nous trouvons. L'interconnexion entre l'aura et le bien-être spirituel. Notre aura agit comme un pont entre les domaines physiques et spirituels, échangeant constamment de l'énergie et des informations. Il sert de moyen par lequel nous nous connectons aux aspects supérieurs de nous-mêmes et du divin. Lorsque notre aura est équilibrée et vibrante, elle soutient notre croissance spirituelle et renforce notre connexion à la source divine. En revanche, lorsque notre aura est trouble ou déséquilibrée à cause d'émotions négatives ou d'influences extérieures, cela peut entraver notre progrès spirituel. En comprenant et en travaillant avec notre aura, en particulier l'aura émotionnelle, nous pouvons cultiver un champ énergétique harmonieux qui soutient l'évolution de notre âme. Explorons maintenant l'aura émotionnelle et sa signification dans la spiritualité. 3. Explorer l'aura émotionnelle dans la spiritualité. Reconnaître le rôle des émotions dans la croissance spirituelle. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine et jouent un rôle crucial dans notre croissance spirituelle. Il ne s'agit pas de quelque chose qui doit être supprimé ou ignoré, mais plutôt reconnu et compris. Les émotions servent de catalyseur de transformation, nous guidant vers une plus grande conscience de soi et un éveil spirituel. Lorsque nous explorons notre aura émotionnelle, nous obtenons un aperçu des émotions sous-jacentes qui façonnent nos expériences. En acceptant et en traitant ces émotions, nous pouvons transcender les limites et nous ouvrir à des états de conscience supérieurs. Comment l'aura émotionnelle influence nos expériences spirituelles? L'aura émotionnelle agit comme un filtre à travers lequel nous percevons et interprétons nos expériences spirituelles. Il colore notre perception, façonnant notre compréhension des messages divins, des synchronicités et des idées intuitives. Lorsque notre aura émotionnelle est équilibrée et claire, nous pouvons recevoir et interpréter plus efficacement les conseils spirituels. À l'inverse, lorsque notre aura émotionnelle est assombrie par la peur, le doute ou la négativité, nos expériences spirituelles peuvent devenir déformées ou difficiles à comprendre. En travaillant avec notre aura émotionnelle, nous pouvons créer un espace harmonieux en nous-mêmes, améliorant ainsi notre capacité à nous connecter avec le monde spirituel et à recevoir des conseils qui correspondent à notre bien le plus élevé. 4. Les couches de l'aura émotionnelle, un aperçu. Comprendre la nature multidimensionnelle de l'aura émotionnelle. L'aura émotionnelle, comme l'aura globale, est multidimensionnelle. Il se compose de différentes couches, chacune avec ses propres qualités et influences énergétiques. Ces couches interagissent et se chevauchent, créant une tapisserie d'énergie qui reflète notre état émotionnel. Comprendre la nature multidimensionnelle de l'aura émotionnelle nous permet de naviguer plus efficacement dans notre paysage émotionnel et d'acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Cela nous permet d'identifier les causes profondes de nos émotions et de faire des choix conscients pour modifier notre état énergétique. Aperçu des différentes couches constituant l'aura émotionnelle. Bien que l'aura émotionnelle soit vaste et complexe, elle peut être simplifiée en plusieurs niveaux clés. Certaines couches communément reconnues incluent la couche physique émotionnelle, qui englobe les aspects physiques et émotionnels de notre être, et la couche mentale émotionnelle, qui concerne nos pensées et nos croyances. Une autre couche est la couche émotionnelle de l'âme, qui reflète les émotions et les expériences du voyage de notre âme à travers les vies. De plus, il existe des couches vibratoires plus élevées qui nous connectent à l'amour divin, à la compassion et à la sagesse spirituelle. En nous familiarisant avec les différentes couches de l'aura émotionnelle, nous pouvons travailler consciemment avec et harmoniser chaque aspect de notre être émotionnel, améliorant ainsi notre croissance spirituelle et notre bien-être général. Explorer l'aura émotionnelle dans la spiritualité est un voyage fascinant et transformateur. En comprenant sa définition, sa signification et les différentes couches qui la constituent, nous pouvons approfondir notre conscience de soi, aligner nos émotions sur notre chemin spirituel et cultiver un champ énergétique vibrant et harmonieux qui soutient l'évolution de notre âme. Alors, plongez dans les profondeurs de votre aura émotionnelle et embarquez pour une aventure intérieure éclairante. 5. La première couche, sensations physiques et énergie émotionnelle. Lien entre les sensations physiques et les états émotionnels. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsque vous ressentez différentes émotions? C'est comme si votre corps avait son propre langage. Cette première couche de l'aura émotionnelle concerne le lien entre les sensations physiques et l'énergie émotionnelle. Lorsque nous vivons différentes émotions, notre corps réagit avec des sensations uniques. Pensez à la façon dont votre cœur s'emballe lorsque vous êtes nerveux ou à la façon dont votre estomac se serre lorsque vous êtes anxieux. Ces sensations physiques sont étroitement liées à nos états émotionnels. Explorer les signatures énergétiques du corps physique. Notre corps physique porte également des signatures énergétiques qui révèlent notre énergie émotionnelle. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti instantanément une ambiance positive ou négative? C'est la signature énergétique qu'ils projettent à travers leur corps physique. Tout, depuis notre posture, nos expressions faciales et même la façon dont nous bougeons, peut transmettre notre énergie émotionnelle aux autres. La première couche de l'aura émotionnelle nous aide à comprendre et à interpréter ces signatures énergétiques du corps physique. 6. La deuxième couche, état émotionnel et fréquence vibratoire. Comprendre la relation entre les émotions et les fréquences vibratoires. Bienvenue dans la deuxième couche de l'aura émotionnelle, où les choses commencent à devenir un peu plus mystérieuses. Les émotions, comme tout le reste dans l'univers, ont leur propre fréquence vibratoire. Chaque émotion porte une fréquence énergétique unique qui affecte notre champ énergétique global. Cette couche nous aide à démêler la relation entre nos états émotionnels et ces fréquences vibratoires. Explorer la gamme d'états émotionnels au sein de la deuxième couche. Au sein de cette vaste seconde couche, on retrouve un large spectre d'états émotionnels. De la joie et de l'amour à la colère et à la tristesse, notre gamme émotionnelle est vaste et en constante évolution. C'est comme monter sur des montagnes russes d'émotions, sauf avec plus d'introspection et moins de vendeurs de barbe à papa. En explorant les différentes émotions au sein de cette couche, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. 7. La troisième couche, expérience passée et empreinte émotionnelle. Découvrir l'influence des expériences passées sur l'aura émotionnelle. Ah, la troisième couche de l'aura émotionnelle, où nos expériences passées entrent en jeu. Nos émotions ne concernent pas seulement le moment présent. Ils portent les empreintes de notre passé. Tel un album rempli de souvenirs et d'émotions, cette couche révèle comment nos expériences passées façonnent notre aura émotionnelle. C'est comme fouiller dans le grenier de votre esprit et trouver des trésors oubliés. Guérir et libérer les empreintes émotionnelles de la troisième couche. Tout comme nous désencombrons notre espace physique, il est également important de ranger notre espace émotionnel. La troisième couche nous offre l'opportunité de guérir et de libérer les empreintes émotionnelles qui ne nous servent plus. En reconnaissant et en travaillant sur les expériences passées, nous pouvons créer une aura émotionnelle plus équilibrée et plus résiliente. C'est comme si Marie Kondo éliminait votre bagage émotionnel et trouvait la paix dans le processus. 8. La quatrième couche, le soi supérieur et les états émotionnels transcendants. Se connecter avec le soi supérieur grâce à la conscience émotionnelle. Bienvenue dans la grande finale, la quatrième couche de l'aura émotionnelle. Cette couche englobe notre moi supérieur et nos états émotionnels transcendants. Lorsque nous puisons dans cette couche, nous nous connectons à notre véritable essence et vivons des émotions au-delà de l'ordinaire. C'est comme entrer dans un royaume de pur bonheur, d'amour et de sérénité. Grâce à la conscience émotionnelle et à l'introspection, nous pouvons ouvrir la porte à notre moi supérieur et embrasser ses états émotionnels transcendants. Explorer les états émotionnels transcendants au sein de la quatrième couche. Au sein de la quatrième couche, nous découvrons des émotions qui transcendent les limites de nos expériences quotidiennes. Ces émotions incluent un amour inconditionnel, une profonde gratitude et une paix profonde. Même s'il ne s'agit peut-être pas de nos états émotionnels par défaut, ils nous rappellent le potentiel infini qui est en nous. En explorant et en cultivant ces fréquences émotionnelles plus élevées, nous élargissons notre aura émotionnelle et créons une connexion harmonieuse avec l'univers. C'est comme entrer dans une soirée dansante cosmique où le DJ joue toutes les sensations. En conclusion, l'exploration de l'aura émotionnelle dans la spiritualité nous offre une compréhension profonde du lien complexe entre nos émotions et notre voyage spirituel. En reconnaissant et en travaillant avec les différentes couches de l'aura émotionnelle, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde, une guérison et une croissance au niveau spirituel. Embrasser et entretenir notre bien-être émotionnel peut nous conduire à des états de conscience plus élevés et à une connexion plus étendue avec le divin. Puisse cette connaissance nous permettre de nous lancer dans un voyage transformateur de découverte de soi et d'évolution spirituelle à travers l'exploration de notre aura émotionnelle. FAQ 1. Quelle est l'importance de l'exploration de l'aura émotionnelle dans la spiritualité? L'exploration de l'aura émotionnelle dans la spiritualité est importante car elle nous aide à comprendre les effets énergétiques de nos émotions sur notre bien-être spirituel. En plongeant dans l'aura émotionnelle, nous pouvons mieux comprendre nos schémas émotionnels, les opportunités de guérison et approfondir notre connexion avec notre moi supérieur et le divin. 2. Comment puis-je prendre conscience de mon aura émotionnelle? Prendre conscience de son aura émotionnelle implique de développer la pleine conscience et la conscience de soi. En prêtant attention à vos émotions, sensations et changements énergétiques, vous pouvez commencer à reconnaître les nuances subtiles de votre aura émotionnelle. Des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal et la guérison énergétique peuvent améliorer votre capacité à percevoir et à comprendre votre aura émotionnelle. 3. L'aura émotionnelle peut-elle être guérie et transformée? Oui, l'aura émotionnelle peut être guérie et transformée. En travaillant activement avec nos émotions, en nous libérant des traumatismes passés et en nous engageant dans des pratiques de soins personnels, nous pouvons nettoyer et équilibrer notre aura émotionnelle. Les modalités de guérison énergétique, telles que le Reiki ou l'équilibrage des chakras, peuvent également aider à clarifier et à harmoniser l'aura émotionnelle, permettant ainsi un plus grand bien-être émotionnel et une croissance spirituelle. 4. Comment la compréhension de l'aura émotionnelle peut-elle améliorer mes pratiques spirituelles? Comprendre l'aura émotionnelle améliore les pratiques spirituelles en permettant une compréhension plus profonde des aspects énergétiques de nos émotions. En travaillant avec l'aura émotionnelle, nous pouvons cultiver la conscience émotionnelle, libérer l'énergie stagnante et nous aligner sur des états vibratoires plus élevés. Cela peut conduire à une connexion plus profonde avec notre chemin spirituel, à une intuition accrue et à un plus grand sentiment de paix intérieure et d'épanouissement. Page 46, 4, nous allons parler de l'aura spirituelle. Page 46, 4.